Chapitre 5e. Il est impossible de rendre par des paroles la beauté des premiers regards que Béatrice jeta autour d'elle lorsqu'elle eut découvert son visage. Bien qu'elle fût veuve depuis 18 mois, elle n'avait encore que 24 ans, et quoique la démarche qu'elle venait de faire ait pu paraître hardie au lecteur, c'était la première fois de sa vie qu'elle en faisait une semblable, car il est certain que jusque-là, elle n'avait eu d'amour que pour son mari. Aussi, cette démarche l'avait-elle troublée à tel point que, pour n'y pas renoncer en route, il lui avait fallu réunir toutes ses forces, et ses yeux étaient à la fois pleins d'amour, de confusion et de courage. Pipo la regardait avec tant d'admiration qu'il ne pouvait parler. En quelque circonstance qu'on se trouve, il est impossible de voir une femme parfaitement belle sans étonnement et sans respect. Pipo avait souvent rencontré Béatrice à la promenade et à des réunions particulières. Il avait fait et entendu faire 100 fois l'éloge de sa beauté. Elle était fille de Pierre Laurédan, membre du Conseil des 10, et arrière-petite-fille du fameux Laurédan, qui prit une part si active au procès de Jacques Foscari. L'orgueil de cette famille n'était que trop connu à Venise, et Béatrice passait aux yeux de tous pour avoir hérité de la fierté de ses ancêtres. On l'avait mariée très jeune au procurateur Marco Donato, et la mort de celui-ci venait de la laisser libre et en possession d'une grande fortune. Les premiers seigneurs de la République aspiraient à sa main, mais elle ne répondait aux efforts qu'il faisait pour lui plaire que par la plus dédaigneuse indifférence. En un mot, son caractère altier et presque sauvage était pour ainsi dire passé en proverbe. Pipo était donc doublement surpris. Car si, d'une part, il n'eût jamais osé supposer que sa mystérieuse conquête fût Béatrice Donato, d'un autre côté, il lui semblait, en la regardant, qu'il la voyait pour la première fois, tant elle était différente d'elle-même. L'amour, qui s'est donné des charmes aux visages les plus vulgaires, montrait en ce moment sa toute-puissance en embellissant ainsi un chef-d'œuvre de la nature. Après quelques instants de silence, Pipo s'approcha de sa dame et lui prit la main. Il essaya de lui peindre sa surprise et de la remercier de son bonheur. Mais elle ne lui répondait pas et ne paraissait pas l'entendre. Elle restait immobile et semblait ne rien distinguer, comme si tout ce qui l'entourait eût été un rêve. Il lui parla longtemps sans qu'elle fît aucun mouvement. Cependant, il avait entouré de ses bras la taille de Béatrice et il s'était assis près d'elle. « Vous m'avez envoyé hier, lui dit-il, un baiser sur une rose, sur une fleur plus belle et plus fraîche. Laissez-moi rendre ce que j'ai reçu. » En parlant ainsi, il l'embrassa sur les lèvres. Elle ne fit point d'effort pour l'en empêcher, mais ses regards, qui erraient au hasard, se fixèrent tout à coup sur Pipo. Elle le repoussa doucement et lui dit, en secouant la tête avec une tristesse pleine de grâce, « Vous ne m'aimerez pas. Vous n'aurez pour moi qu'un caprice, mais je vous aime, et je vais d'abord me mettre à genoux devant vous. » Elle s'inclina en effet. Pipo la retint vainement en la suppliant de se lever. Elle les glissa entre ses bras et s'agenouilla sur le parquet. Il n'est pas ordinaire ni même agréable de voir une femme prendre cette humble posture. Bien que ce soit une marque d'amour, elle semble appartenir exclusivement à l'homme. C'est une attitude pénible qu'on ne peut voir sans trouble, et qui a quelquefois arraché à des juges le pardon d'un coupable. Pipo contempla avec une surprise croissante le spectacle admirable qui s'offrait à lui. S'il avait été saisi de respect en reconnaissant Béatrice, que devait-il éprouver en la voyant à ses pieds? La veuve de Donato, la fille des Laurédan, était à genoux. Sa robe de velours, semée de fleurs d'argent, couvrait les dalles. Son voile, ses cheveux déroulés, pendaient à terre. De ce beau cadre sortaient ses blanches épaules et ses mains jointes, tandis que ses yeux humides se levaient vers Pipo. Ému jusqu'au fond du cœur, il recula de quelques pas et se sentit enivré d'orgueil. Il n'était pas noble. La fierté patricienne que Béatrice dépouillait passa comme un éclair dans l'âme du jeune homme. Mais cet éclair ne dura qu'un instant et s'évanouit rapidement. Un tel spectacle devait produire plus qu'un mouvement de vanité. Quand nous nous penchons sur une source limpide, Notre image s'y peint aussitôt et notre approche fait naître un frère qui, du fond de l'eau, vient au-devant de nous. Ainsi, dans l'âme humaine, l'amour appelle l'amour et le fait éclore d'un regard. Pippo se jeta aussi à genoux. Inclinés l'un devant l'autre, ils restèrent ainsi tous deux quelques moments, échangeant leur premier baiser. Si Béatrice était fille de Loredan, le doux sang de sa mère, Bianca Contarini, coulait aussi dans ses veines. Jamais créature en ce monde n'avait été meilleure que cette mère, qui était aussi une des beautés de Venise. Toujours heureuse et avenante, ne pensant qu'à bien vivre durant la paix, et en temps de guerre, amoureuse de la patrie, Bianca semblait la sœur aînée de ses petites filles. Elle mourut jeune et morte, elle était belle encore. C'était par elle que Béatrice avait appris à connaître et aimer les arts, et surtout la peinture. Ce n'est pas que la jeune veuve fût devenue bien savante sur ce sujet. Elle avait été à Rome et à Florence, et les chefs-d'œuvre de Michel-Ange ne lui avaient inspiré que de la curiosité. Romaine, elle n'eût aimé que Raphaël, mais elle était fille de l'Adriatique et elle préférait le Titien. Pendant que tout le monde s'occupait autour d'elle d'intrigues de cour ou des affaires de la République, elle ne s'inquiétait que des tableaux nouveaux et de ce qu'allait devenir son art favori après la mort du vieux Vecellio. Elle avait vu au palais Dolphin le tableau dont j'ai parlé au commencement de ce conte, le seul qu'eût fait le Tizianello et qui avait péri dans un incendie. Après avoir admiré cette toile, elle avait rencontré Pippo chez la signora Dorothée et il s'était éprise pour lui d'un amour irrésistible. La peinture, au siècle de Jules II et de Léon X, n'était pas un métier comme aujourd'hui. C'était une religion pour les artistes, un goût éclairé chez les grands seigneurs, une gloire pour l'Italie et une passion pour les femmes. Lorsqu'un pape quittait le Vatican pour rendre visite à Buonarroti, la fille d'un noble vénitien pouvait sans honte aimer le Tizianello. Mais Béatrice avait conçu un projet qui élevait et enhardissait sa passion. Elle voulait faire de Pippo plus que son amant, elle voulait en faire un grand peintre. Elle connaissait la vie déréglée qu'il menait, et elle avait résolu de l'en arracher. Elle savait qu'en lui, malgré ses désordres, le feu sacré des arts n'était pas éteint, mais seulement couvert de cendres, et elle espérait que l'amour ranimerait la divine étincelle. Elle avait hésité une année entière, caressant en secret cette idée, rencontrant Pippo de temps en temps, regardant ses fenêtres quand elle passait sur le quai. Un caprice l'avait entraînée. Elle n'avait pu résister à la tentation de broder une bourse et de l'envoyer. Elle s'était promis, il est vrai, de ne pas aller plus loin et de ne jamais tenter davantage. Mais quand la signora Dorothée lui avait montré les vers que Pippo avait faits pour elle, elle avait versé des larmes de joie. Elle n'ignorait pas quel risque elle courait en essayant de réaliser son rêve. Mais c'était un rêve de femme, il s'était dit en sortant de chez elle, « Ce que femme veut, Dieu le veut. » Conduite et soutenue par cette pensée, par son amour et par sa franchise, elle se sentait à l'abri de la crainte. En s'agenouillant devant Pippo, elle venait de faire sa première prière à l'amour. Mais, après le sacrifice de sa fierté, le Dieu impatient lui en demandait un autre. Elle n'hésita pas plus à devenir la maîtresse de Tizianello que si elle eût été sa femme. Elle ôta son voile et le posa sur une statue de Vénus qui se trouvait dans la chambre. Puis, aussi belle et aussi pâle que la déesse de marbre, elle s'abandonna au destin. Elle passa la journée chez Pippo, comme il avait été convenu. Au coucher du soleil, la gondole qui l'avait amenée vint la chercher. Elle sortit aussi secrètement qu'elle était entrée. Les domestiques avaient été écartés sous différents prétextes. Le portier seul restait dans la maison. Habitué à la manière de vivre de son maître, il ne s'étonna pas de voir une femme masquée traverser la galerie avec Pippo. Mais lorsqu'il vit la dame auprès de la porte relever la barbe de son masque et Pippo lui donner un baiser d'adieu, il s'avança sans bruit et prêta l'oreille. « Ne m'avais-tu jamais remarqué ?» demandait gaiement Béatrice. « Si !» répondit Pippo, « mais je ne connaissais pas ton visage. Toi-même, sois-en sûr, tu ne te doutes pas de ta beauté. Ni toi non plus. Tu es beau comme le jour, mille fois plus que je ne le croyais. M'aimeras-tu ? Oui, et longtemps. » et moi toujours. » Ils se séparèrent sur ces mots, et Pipo resta sur le pas de la porte, suivant des yeux la gondole qui emportait Béatrice Donato.